pastelaria tradicional, mas o café é a sensação. De manhã até faz fila para beber o cafezinho. A menina faz o pedido e eu digo com carinho: queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote. Na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres um café curtinho ou cheio? Santa Mãe, que Deus te guarde lá no céu. O teu filho amado está sempre a teu lado, mas não te esquecer. Foste muito cedo para longe de mim, mas todos os dias uma Ave Maria eu rezo por ti. Eu estou contigo sempre a toda hora, onde quer que estejas. Que Deus te proteja, que Deus te proteja. Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida, minha santa mãe, minha mãe querida. Minha santa mãe, choro a recordar quando me ensinavas, quando me cantavas canções de embalar. Se hoje sou alguém e se estou aqui, minha santa mãe, sabes muito bem que é graças a ti. Eu estou contigo sempre a toda hora, onde quer que esteja. Que Deus te proteja, que Deus te proteja. Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida, minha santa mãe, minha mãe querida. Yeah. valeu uma vida inteira para um dia regressar. E no estrangeiro é sempre um forasteiro com saudades de seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero cantar. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h20, 21 même, exactement sur Radio Arc-en-Ciel, et oui, comme tous les vendredis, et pour la deuxième émission de Découverte de l'année, donc voilà, vous êtes avec Manu pour l'émission Découverte de 17h à 19h. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, pour les fêtes de fin d'année, que tous ceux qui sont partis sont bien rentrés, sans problème, et voilà, on recommence une nouvelle année, et voilà, on débute tout de suite avec Agathe, et le titre c'est « Sozinha ». Desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Sozinho, já que a festa sobrevive. Sozinho, pois sempre conseguir adormecer sem estares aqui. Aquecer a minha cama mesmo sem o teu corpo. Estou a aprender a sorrir e a sonhar depois de ti. Dos sonhos de uma vida que por ti quase acabou. Eu estou prestes a vencer o meu receio de ficar só e recomeçar do zero. Eh oui, c'était Agatha Sozinha. Donc oui, pour tous ceux qui veulent nous écouter, bien sûr, sur le 96.2 FM, mais vous pouvez aussi aller sur le site de la radio. Donc la radio est un site, hein, vous allez sur Google, vous tapez Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, et vous allez tomber tout de suite sur le premier en haut, vous l'ouvrez, et vous allez avoir le site de Radio Arc-en-Ciel. Et vous pouvez nous écouter aussi en direct, tout en haut, à droite, il y a une petite flèche, là il y a marqué « Écouter ». Et vous pouvez écouter la radio en direct. Voilà, on poursuit avec Alexandre Faria et le titre c'est Minha Mãe Querida. Vi teu lindo sorriso, senti teu abraço tão macio, teus beijos de carinho, tua voz a cantar, és meu porto seguro, sempre a me acalmar. Meu porto seguro, sempre a me acalmar. Essa luz que brilha sem parar, te amarei para sempre. Mãe querida, és meu raio de sol, teu amor é um tesouro sem igual.

que me dê. Dá-me um, dá dois, dá três. Fogo de vista. passa, desperta logo a atenção. Se abre um sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu peito faz bater um coração. É assim como de paixão, um amor que nasce de um pouco. E no meu peito faz bater um coração. É assim como de paixão, um amor que nasce de um pouco. Chora pela dor. Hashem. Elle aime la gros bolide, j'ai ma Clio RS, elle veut Mercedes, on dit UBM. J'aime la voir danser, je veux la voir bouger. D'abord je paye le resto, ensuite la bouteille. Elle me regarde quand elle mort célèbre, je me sens célèbre, elle est comme au soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. Ton fond nous meu cara cantar. Quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. Quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E quando quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E la vou eu. Burrito. Pour toi j'en ferai, je l'appelle à toi. J'ai mis ma chemise, que je mets à l'église. On va pas mis, on va bien rigoler. Je veux le sac et la robe Chanel. Si tu prends ce que tu veux, c'est l'entreprise qui paye. Elle me regarde quand elle mort célèbre. Je me sens célèbre, elle est comme mon soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. A ton fond, nous me faire cantar. Quand tu quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. E quand tu quero ver aquel amor meu, eu pego no meu Clio e la vou eu. Quand tu quero ver aquel amor meu, we love all. Eh oui, c'était Prince Tug Burrito. Et on continue avec Dame Zé Amar, Ficar Oai. Oh, meu amor, eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que dia tu has de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Sou jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha laroca. Dás trabalho, mas eu nunca estou de fora. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração. Yeah. arco-íris. Seja amor, orgulhoso, eu vou. 96.2. Fica atento. Lá pra frente, narrado arco-íris. Invejoso não sou, partilha só com. Provei, perdi o juízo. Ai, foi de manhã acesa em ti. Abacate, abrunho e a pera francesa. Uma framboesa que vi. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Riso e dás uma volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Foi de manhã. querendo teu carinho. Lutei demais pelo teu amor. Eu te entreguei tudo que eu tinha, mas me deixaste e eu fiquei com só. Quem sabe um dia vou encontrar quem me faça feliz. E só assim esquecerei teu nome e darei amor a quem me der amor. Sempre sonhei ser feliz, ter um amor verdadeiro, mas teu coração não quis, foi tudo mentira. Sempre sonhei ser feliz, ter um amor verdadeiro, mas teu coração não quis, foi tudo mentira. Quando estou com ela, eu penso na outra. Quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela. E assim vou vivendo com a outra e com ela. E assim vou vivendo. Na verdade eu não sou de ninguém. Uma diz que me ama, a outra me ama também. Ela diz que me adora, a outra me adora também. Eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém. Oui, Diapason, foi tudo mentira. Eu poursuis avec José Malhoa, Paulinha. Já percorri o mundo todo, muita vida já vivi, mas achei uma sorte grande quando te encontrei a ti. Mulher doce, mulher meiga, já vivi, mas achei uma sorte grande quando te encontrei. Pelo teteia, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Pelo teteia, e de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo. Pelo teteia, agora eu estou moço, estou barbadinho, não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, a filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu, ó, biluzinho, teteia, agora eu estou moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, eu tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, bilu, bilu. Filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu. Ô, biluzinho, teteia, agora eu estou moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia, pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu. Eh oui, eh oui, eh oui, Bilou Bilou Teteille, 1974. Ah, j'étais là chercher très très loin cette chanson. C'est une chanson que bah, j'ai trouvée par hasard et qui m'a plu, comme d'habitude. Moi, tu sais, c'est l'instinct, c'est pas... voilà. On s'en fout de ce que ça dit, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on s'en fout un petit peu de ce alors, que ça dit. Dire, je comprends rien ce que non, ça dit. Non, rien de spécial. Ça va. Celle-là, alors, ça va. T'es en train de me dire que la chanson qui est passée, elle est pas... C'est pour les moins de 10 ans? Non, non, c'était une excellente musique. Alors, je tiens à m'excuser si c'est vrai, parce que je vous avoue que moi, je passe des musiques, mais des fois, je ne comprends rien ce qu'ils disent. Hein. Ouais, non, donc, c'est pas de ma faute. Non, non, il n'y a rien de spécial. Bon, vous les avez reconnus, mes invités surprises, que vous connaissez. Tu les payes tous. Cher, ces invités, j'espère. Mes invités surprises, oui. Donc, vous avez bien reconnu Lionel et Christine. En tout cas, bonjour à vous. Merci d'être là. Meilleurs vœux, bonne année. Bon, on a déjà eu l'occasion de se les souhaiter, mais je tiens à le redire. Enfin, merci. Hein. Merci à toi et à tous nos à tes auditeurs, parce que c'est ton programme. Oui, c'est les auditeurs de la radio, oui. comment dire, une excellente bonne année, un feliz ano novo. Muitas boas coisas, muita saúde, muita paz, muito humor, muito dinheiro, também é preciso algum, não é? Muitas boas coisas. Tudo o que o mundo pode trazer de bom. Que seja para este ano. Mas o principal é a saúde. É saúde, claro. E se houver saúde, ganha-se dinheiro, ganha-se sabor. É ganha-se... isso tudo. Tout à fait, ouais, c'est ça. La santé, si vous avez la santé, le reste, ça vient après. Mas também, depois pedimos para a nossa rádio, para a nossa associação, precisamos de muitas coisas também. Mas bem, sobretudo, muitos inventos, muita gente para trabalhar. Sobretudo aderentes. Justement, on peut en parler un petit peu. Bon, l'année 2025 s'est terminée pas trop mal. L'année 2026... Une très belle année, effectivement. Voilà, donc on peut... Ouais. Malgré les, comment dire, les contretemps, parce qu'effectivement, c'est une très belle année, mais il y a toujours des contretemps, il y a toujours des aléas, et ça n'a pas été facile pour nous, parce qu'effectivement, on a été un petit peu mis au placard, parce que pas de grande salle, et ça nous a un petit peu vexés, mais bon, on avait toujours un deuxième tour dans la poche qui nous a permis, effectivement, de faire des événements tout petit peu plus petit, mais on a tout de même assuré, on a assuré de toujours continuer à faire les événements de Radio Arc-en-Ciel. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais effectivement, on assure, et puis on se dit qu'à côté de ça, bah, il y a des associations qui ont complètement fermé, et ben, nous, on continue. On est toujours là. Et justement, en parlant de les événements, justement, les gros événements qu'on n'a pas pu faire, bon, bien sûr, c'est indépendant de nous, hein. Tout le monde est au courant, c'est la salle des fêtes de Montition, justement, qui avait pris feu, mais j'ai une bonne nouvelle, normalement, je dis bien normalement, début 2027, non, Non, pas vraiment, parce qu'on vient d'avoir des infos. Ah, vous venez d'avoir des infos. Alors donc, vous voyez, vous êtes plus au courant. Fin 27. Fin. Maintenant, c'est fin 27. Fin 27. Ok, d'accord. Début juin. Bon, on va. 27, ok, donc on peut pas déjà. Au début, ils nous avaient annoncé fin 2026. Hein, donc après, ils nous ont dit que bah non, que voilà. Donc bah, là, on pareil, va pas en c'est parler. Ce qu'ils nous expliquaient à l'instant, c'est indépendamment de leur volonté, bien parce sûr. Qu'effectivement, ce sont des organismes qu'après empêchent et que voilà. Et alors, normalement, c'est on espère. Enfin, ils espèrent. Mi-27, fin 27, ça serait. Donc on va voilà. Donc par contre, on peut lancer un appel. S'il y a des gens qui connaissent des communes pas trop loin d'Orléans, qui nous peuvent nous louer une salle. Mais qu'ils soient sûrs d'eux, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de monde qui nous a donné des pistes, mais qui n'étaient pas vraiment bonnes. Et voilà, et on a travaillé dessus. Ouais. Alors des ça salles, rien donné, effectivement, des petites salles, il y en a beaucoup, des petites salles. Mais bon, nous, faut minimum 600. Ouais, voilà, minimum 600 places, quoi. Faut qu'on aille une salle entre 600 à 1000, 1200 personnes, bon, mais minimum 600. C'est déjà bien. Non, mais minimum. Mais justement, nous faisons appel à des salles pour 2027, mais 2026 démarre, n'oublions pas. 2026 démarre, et on aimerait bien, justement, commencer à organiser un événement totalement différent. Un événement différent. Quel serait cet événement différent qu'on aurait pu organiser ailleurs, dans un endroit pas commun, dans un endroit qu'on n'a pas l'habitude? Est-ce que vous, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous allez nous suivre? Comment ça se passe? Parce que justement, Montition ne peut pas nous accueillir. Les autres salles, c'est assez compliqué parce que voilà, un coup elles sont occupées, une autre fois c'est parce que la capacité ne nous convient pas. Ce sont des toutes petites salles et puis ben, le côté financier, parce que si une salle elle est trop petite, on pourra mettre assez de personnes. Le public ne sera pas assez présent. Et puis, en même temps, les artistes aujourd'hui ont un coût élevé. Et faut pas se leurrer, hein, que tout a un coût, tout coûte cher. Les billets d'avion, l'hôtel, voilà, c'est ça. Et plus la salle, elle est petite, on perdra de l'argent. Ça rentabilise pas. Exactement. C'est pour ça qu'il faut une grande salle. Tout à fait. Il faut une grande salle. Mais à côté de ça, on fait un appel à notre public qui nous a un petit peu. On sait pas nous qui les avons laissés tomber, c'est pas eux non plus qui nous ont abandonnés, mais c'est voilà, on se réveille et 2026, on a une belle surprise pour vous. On prépare quelque chose, mais il faut que vous soyez au présent, parce qu'effectivement, si on fait venir des artistes, si on se donne du mal pour cette salle, il faut que de votre côté, de l'autre côté, vous sonniez à la porte et vous disiez on est là. Il faut que ça soit aussi au goût du public. En tout cas, nous, notre côté, on va travailler dessus. Bon, si vous, les auditeurs qui nous écoutent de leur côté, s'ils ont une connaissance ou des contacts, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler ou passer à la radio et justement nous tenir informés. Et nous, on sera preneurs pour toute information. Donc ça, pour question faite, donc on travaille. On peut, donc la 2025... Attends, parce que faite, on n'a pas fini. Hein, oui, fête, mais fête. On va... Ah oui. Faites, eh ben dans 2 semaines. On a la galette. Ah oui, il y a la galette, oui. À la fin, le 25, non 25. Dimanche 25, on sera là. Avec la galette des rois offerte à nos adhérents qui sont pas à que jour. La galette, hein. Eh ben oui, un petit verre de cidre. Bah, tout ce qui va avec, voilà. Et tout ce qui va avec. Et un peu de musique quand même. Ah, on est généreux. Tout à fait. Et vide. Ah, parce qu'on a... Ah oui, bien là, voilà. Allez, un troisième membre vient d'arriver. C'est il est la derrière, suite. Il se cache. Je me disais, pourquoi tu faisais des grands signes? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, continue, donc tu disais sur ta... Donc, la galette, effectivement, c'est le 25 janvier, un dimanche après-midi dansant avec le groupe Upor du Sol. Le groupe Upor du Sol, c'est l'un des plus anciens groupes orléanais qui seront présents avec nous, avec des musiques qui est au conjunto type, qui est musique traditionnelle portugaise, auquel vous pouvez venir danser. Et ben pour les adhérents, c'est complètement gratuit. Et pour les non-adhérents, vous pouvez aussi vous joindre à nous. Et si vous avez moins concertine, vous pouvez l'emmener. Ah, oh, ben pourquoi pas. Et ben oui. Allez, on remplit. Allez, tout le monde. Mais si, Manu. Après, pour voir, on a un groupe, faut qu'ils soient d'accord pour les accepter. Non, mais ils peuvent jouer sans. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Pour s'échauffer. Voilà. Donc, Tu disais donc que voilà, c'est gratuit pour les adhérents. Alors attention, faut qu'ils soient quand même inscrits, hein, parce que nous, faut qu'on aille des inscriptions pour pouvoir s'organiser pour la quantité, bah, ce qu'on doit prendre. Donc ça serait bien quand même que pour ceux qui l'ont pas, c'est même souhaité. Hein, c'est souhaité. Tous ceux qui l'ont pas encore fait, ils peuvent très bien appeler la secrétaire. Vous avez le numéro peut-être à dire. Je sais pas si vous l'avez en tête. Tout à fait. Mais 02 38 43 50 09, c'est l'appel au secrétariat pour que notre assistante sur nos réseaux. Sur les réseaux, un message vers les réseaux et tout ça, un petit courrier, un passage à la radio. Le samedi matin, il y a moi. Le dimanche après-midi, dimanche matin, il y a Lionel. Le vendredi après-midi, il y a Manu. Il y a tout moyen. Voilà, qui passe à tout moment dans la journée, dans la semaine. Et comme je dis, ils peuvent être adhérents. Sinon, l'entrée, c'est 5 euros pour les non-adhérents. C'est pas 5 euros. Mais il faut s'inscrire. Voilà. Et pourquoi pas en même temps devenir adhérent. Et ben voilà. Voilà, c'est pas grand chose, hein, comme on avait dit, 20 euros la cotisation pour l'année. Vous devez adhérent avant d'entrer, vous payez pas votre galette. C'est Lionel qui l'a dit. Non, mais Lionel, il s'avance un petit peu. Non, mais je m'avance. Lionel, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël de la radio. Lionel, il donne. Allez-y. Lionel donne, Manu ferme les vies. Lionel l'a dit, donc on fait. Lionel donne, Manu ferme les vies. Ouais. Non, on respecte les plus anciens. Tout à fait, mais je vous suis. Donc effectivement, on a la galette donc ce 25 janvier avec au groupe Poule du Sol, l'un des plus anciens groupes d'Orléans, et qu'effectivement ils nous font l'honneur d'être là présents avec nous. Et ça va être un moment fantastique, parce qu'effectivement ce sont toutes ces vieilles chansons, toutes ces musiques que Poule du Sol a toujours chantées, et je trouve que ce sera un moment de partage, un moment de convivialité. Ouais, parce que ça fait quand même un peu de temps qu'ils n'ont pas. Tout à fait. Et à savoir qu'on, voilà, c'est l'un de nos animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Et on donne aussi cette chance à nos animateurs de pouvoir promouvoir ce qu'ils peuvent faire de l'autre côté de la radio. Il fait chanter le coq tous les dimanches matins. Et au cantar du galo. Et je reviens à ce que disait Lionel tout à l'heure. Moi, je vais être peut-être encore plus généreux que lui. J'avais en avoir une petite idée. Non, c'est vrai. Et pourquoi pas gratuit pour même les gens qui deviendraient adhérents ce jour-là. C'est ce que j'ai dit, Manu. S'il vient adhérent avant d'entrer. Ah bah écoute, j'ai mal compris. Donc Lionel avait raison. Donc Lionel a tout à fait raison. S'ils deviennent adhérents alors, ce jour-là. Alors, chers auditeurs, alors mettez-vous à la place de celui qui va construire l'affiche. Donc ils ont dit un autre truc. Mais moi, à côté de ça, j'ai tout noté et j'essaie de vous faire une affiche correcte d'ici dimanche. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est oui, pas mal. Tout à fait. T'es expert des affiches, c'est ça. Et donc là, on passe effectivement ce 25 janvier. Après, on fait un petit cap vers le 25 avril. Donc, notez bien, le 25 avril, nouvelle salle, nouveau concept, nouveau. Tout est nouveau pour nous, mais pour vous aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Non, pour nous, on connaît déjà la salle, parce qu'on y a été plus. Oui, mais c'est un nouveau truc. Ça fait des années qu'on la fréquente, hein, parce que. Ah oui, effectivement. On fait partie de Floride, on est toujours invité au Vœu du Maire, on va souvent. Alors, comment garder des secrets avec Lionel, il n'y en a pas. Mais c'est un projet donc, pour l'instant. C'est un projet pour l'instant. Voilà. Un projet qui est bien ficelé déjà. Qui est bien mûr, qui est bien avancé. Et qu'on y tient. Le comité des fêtes de Radio Arc-en-Ciel y tient énormément. Et on a présenté ce projet. On y tient. On va y arriver. On va le faire. On va le faire mûrir. Et puis le faire avancer. Surtout le promouvoir. Et puis vous nous aidiez de notre côté à le promouvoir. Donc ils seront informés au déjà, moment où. Les gens, ils peuvent réserver 25 avril. En plus, c'est quoi le 25 avril au Portugal? C'est la fête des œillets. C'est la fête des œillets, voilà. Tout à fait. Donc, et après. Grande date. La Saint-Jean, qui reste à la même date que l'année dernière, le 20 et 21 juin, week-end de la fête à la musique. Tout à fait, voilà. Donc voilà pour les principaux. Pour les associations qui sont à l'écoute aussi, ils savent que ces dates-là. Tout à fait. Les associations, les entreprises qui souhaitent, effectivement, nous ouvrons déjà les stands, parce qu'on a déjà commencé aussi à travailler sur la Saint-Jean. Les stands, des artistes, tout ça, eh ben, rentrer en contact avec nous, parce que c'est important. Il faut déjà aussi, réserver, pour les gens qui veulent justement avoir des stands. Parce qu'on va limiter cette année. Déjà l'année dernière, on a été obligé de pratiquement de refuser certaines personnes, parce qu'on était pratiquement et là, je sais qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à envoyer des réservations de stands. Donc, n'hésitez pas, hein, toujours pareil, prenez contact avec le numéro au niveau de l'administration ou venir directement nous voir ici au 266 Faubourg Bagné. Donc après, ils auront tous les... Il y a un mail important qui est le arcanciel.yuta@gmail.com. Annabelle, elle est là, elle peut répondre, nous appeler sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, parce que tout nous emmène à Radio Arc-en-Ciel. Passez nous voir, vous savez que les animateurs sont présents. Alors, les animateurs du conseil d'administration, oui, par contre, suivant les effectivement, autres, voilà, effectivement, lorsque vous appelez les animateurs de Radio Arc-en-Ciel et qu'ils sont pas en mesure de vous répondre, n'hésitez pas à leur laisser un message pour que le secrétariat vous rappelle, et parce qu'ils sont là, mais ils peuvent répondre aussi. Pas obligatoirement dans le sens que vous le souhaitez et puis vous donner toutes les informations. Oui, parce souvent, des fois, ils sont pas au courant aussi de... Tout à fait, parce que le conseil d'administration ne divulgue pas tout. Non, le mieux, voilà, c'est les animateurs, c'est une chose, ils sont, comme tu disais, ils sont pas toujours au courant de tout. Le mieux, c'est de passer voir Annabelle ou voir... Ou téléphoner par mail, voilà, c'est, ils auront mieux, l'info sera mieux passée que par, des fois, les animateurs, comme je disais, ils sont pas toujours au courant de tout ou de tout exactement, donc voilà. Le mieux, c'est de faire comme ça, quoi. Très bien. On a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit. Et l'année, elle a bien commencé, Manu ? C'est bon ? Pour moi, oui. Pour moi, ça va bien. Très bien. Très bien. Pas malade, rien de mal. Donc, ça va. Non, voilà. Et le Père Noël, il vous a gâté ? Oh là là. Bah, oui. Il est passé vite fait, mais oui. Il a laissé tomber des trucs, mais pas... Il s'est pas beaucoup arrêté, peur, je sais pas, mais oui, il est passé, oui. Il faut dire qu'on est sage. On a beaucoup couru derrière lui, on l'a jamais rattrapé. On est sage. Ouais. Non, il a été généreux. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas très ce plein. Très bien. C'est ce qui compte. C'est parce qu'on a été un petit peu sage, on a le droit. Ben oui, c'est une récompense de l'année. Tout à fait. Et nos éditeurs, espérons qu'ils... Et voilà, c'est déjà nos éditeurs. J'espère que pour eux, ils ont passé des bons moments en famille. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été au pays, voir de la famille, retrouver la famille. J'espère qu'ils sont tous bien rentrés, parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu un peu de neige ce week-end-là, tout ça sur les routes. C'était un peu compliqué. En tout cas, on leur souhaite une bonne écoute sur Radio Arc-en-Ciel. Et aussi, je veux préciser que les gens qui veulent... On a un site de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, je l'ai donné tout à l'heure. C'est Radio... Vous tapez Radio Arc-en-Ciel sur Google et vous allez tomber tout de suite sur la radio qui est à nous. Et vous pouvez aller dedans et voir tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe à la radio et nous écouter Google, aussi en direct. C'est notre ami, quoi. Et nous écouter en direct aussi. Voilà. Il n'y a plus besoin d'aller sur des sites... quoi que ce soit. Radio Arc-en-Ciel a un site... à nous. Et voilà, vous avez toutes les explications, les noms des animateurs. Il faut dire qu'on a des auditeurs qui sont super gentils, super cool, parce que j'ai déjà fait deux émissions en début d'année, et sincèrement, c'était... ouais. Les auditeurs, ils seront vraiment... Si, ils sont très... Moi, je me suis juste fait rappeler alors, parce qu'effectivement, je n'ai pas encore pu venir. Ma première, c'est demain, et j'ai hâte d'y venir. Et j'avoue sincèrement que ça me manque un petit peu, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas mis les pieds à la radio. Et puis, j'ai deux ou trois personnes qui m'ont envoyé un petit message quand dès que 20, je venais là. C'est demain. Vrai que ça fait chaud au cœur que quand oui. Les gens, ils t'appellent. Et c'est puis, ça. Même pour te dire, bonne année, c'est super d'être là, même... Il y a eu plein de neige. Moi, je suis venu quand même parce que j'aime ça. Et puis, bien sûr, voilà. Et puis bon, après, ceux qui n'ont pas pu, je comprends. Il y a des gens, moi, certains animateurs m'ont appelé pour me dire, écoute, Manu, je pourrais pas faire mon émission. Je viens de X kilomètres. J'ai tant de kilomètres. Je dis, non, t'as raison. Ne viens pas. Ne prends pas de risque. Ça, les auditeurs le comprennent. Mais tu disais, on les a pas abandonnés. Non. Tu dis que c'est vrai. Ça fait plaisir d'entendre les auditeurs qui nous appellent pour nous remercier. Et encore plus quand tu es dans un magasin et des gens que tu connais ou que tu voyais pas depuis longtemps, ah tiens, je t'écoute, tout ça, ça fait toujours plaisir de chavoir. On te reconnaît maintenant ? Non, Lionel plus. Lionel, il n'a pas besoin à la voix. Lionel, dès qu'il parle, les gens se retournent. Je le connais. Lionel est plus connu que moi. Hein. L'autre fois, j'étais dans un supermarché au Portugal et je parlais avec ma femme. Il y a quelqu'un qui passe et puis il passe. Moi, je ne connaissais pas. Un peu plus loin, il m'arrête. Vous n'êtes pas Lionel ? De la radio ? Il me connaissait pas, mais par la voix. À savoir que Lionel, c'est un vieux de la vieille. Hein. Lionel, combien d'années ici déjà ? Une quarantaine d'années. 40 ans ? Bah, t'es plus vieux que la radio, elle existait. Ah non, la radio a déjà fait les 40 ans. Je sais, je plaisante. Non, Lionel, 35, il était là depuis le début. De 35 ans. Lionel, après il y a eu aussi un comme Jérôme, je crois aussi, Jérôme Nanda. Jérôme, c'est l'enfant de la radio. Hein. Tous ces gens-là font toujours partie du conseil de la radio. Donc oui, c'est et bah justement, parlant de ce conseil d'administration, c'est pas toujours facile hein, parce que c'est lourd hein, parfois c'est pesant de venir aux réunions de travailler, de s'impliquer, de trouver des un créneau, hein, pour trouver des créneaux, trouver du temps, parce qu'on a notre famille, on a nos conjoints qui restent à nous attendre. Parfois, c'est pas facile non plus. Et puis trouver de nouvelles idées, trouver quelque chose qui apporte du bon à la radio, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye. Et justement, de l'autre côté, vous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, on aimerait bien aussi vous lancer un appel, c'est que lorsque vous avez des idées que vous voulez nous soumettre. Et puis, pourquoi pas devenir adhérent de la radio? Parce qu'effectivement, il y a des créneaux de disponibles. On a toujours besoin. Nous sommes amateurs. Nous sommes juste des gens passionnés par cette radio. Nous sommes amateurs, mais nous travaillons comme des professionnels. On essaye, c'est vrai. Et effectivement, on a besoin de temps en temps, comme tu disais, Lionel, tout à l'heure, d'avoir ce petit coup de pouce, de nous dire, bah voilà, allez, on y va, on continue, on lâche pas. Parce que parfois, on a envie d'arrêter parce que voilà, ça comme en fatigue. Comme tout le monde, on a nos petits coups de cafard. Hein. Tout à fait, un petit coup de mou. Et c'est grâce aussi aux auditeurs, c'est grâce à tous ces gens-là qui nous entourent et qui nous laissent pas tomber. Et c'est grâce à vous tous qu'on continue. Et n'oublions pas que nous sommes la deuxième, on était la troisième, on est la deuxième radio lusodescendente à falar português no mundo de França. Et ça, c'est très important. Ça, aujourd'hui, on ne se rend pas compte du bien qu'on a entre les mains, parce qu'effectivement, entre les animateurs, les auditeurs, le conseil d'administration, l'État portugais, l'État français, on nous laisse aujourd'hui nous exprimer. Que seja em língua portuguesa, que seja em língua francesa, e on se rend pas compte du bien qu'on a. Oui, on donc, est en nous, France, et puis on parle. On parle portugais, on a un bien entre les mains, donc sachons le préserver, que ce soit à nous ou vous de l'autre côté. Et sincèrement, c'est ça qui m'a trahi au départ, qui m'a fait venir à la radio, c'est pour garder ma partie portugaise, parce que. Cette culture. Je la cultivais pas beaucoup, et ça me manquait un petit peu. Et je dis, à la radio, peut-être que... Ça a fait... Ça aide, ça aide, parce qu'effectivement, on a nos jeunes et tout ça. Alors voilà, moi, je vais parler de quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est ton petit-fils, mais j'aime l'entendre. Et entendre les petits de 10, 15 ans, 8 ans à chanter le portugais d'enfants, de parents luso qui sont ici, moi je trouve ça extraordinaire parce que effectivement à travers la radio on transmet quelque chose, à travers la musique, à travers la culture, on garde nos racines. Et aujourd'hui on voit d'autres pays qui n'ont plus cette chance. Nous on a une chance inouïe, une chance on se rend pas compte. Grâce à la France, qui est un pays de liberté. Tout à fait. Qui nous laisse cette liberté de nous exprimer, d'avoir RDP International toute la nuit qui nous donne des informations de notre pays. Et ça, n'oublions pas que c'est grâce à qui, il y a 40 ans passés, nous a donné ce cadeau, qui nous a laissé un cadeau entre les mains. Donc vous, de l'autre côté, soyez adhérents, soyez publics, soyez présents avec nous pour que jamais ça s'éteigne. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu un conseil d'administration. On n'a peut-être pas encore parlé non plus. Tout à fait. Il y a eu des nouveaux membres qui sont arrivés. Tout à fait. Donc là, on a eu l'Assemblée générale fin mi-décembre, auquel on s'est... il y a un certain groupe de personnes qui s'est recandidaté, parce qu'on n'abandonne pas, effectivement. On continue. Effectivement, Jérôme, Lionel, Nanda, Manu, Alberto, Christine, Mathis et Philippa, la dernière arrivée. Et c'est on bien qu'il y a un petit coup de jeune. Là, oui, là, ça rajeunit un petit peu, là, justement, le conseil. Ouais. Et oui, vas-y, continue. Tu voulais parler encore du conseil. Mais moi, j'avais d'autres choses après à parler aussi. C'est de certains animateurs, des nouveaux animateurs aussi. Finissons avec le conseil, peut-être. Ouais, voilà. Effectivement, le conseil d'administration, c'est un petit peu le cœur de cette radio, parce que c'est de là que les idées fleurissent. Mais on a besoin aussi que vous nous donniez vos avis. Est-ce qu'on fait pas bien? Mais pour moi, la critique, elle est constructive. Lorsqu'on me critique d'une certaine manière, je me dis, mais merde, je pourrais faire mieux. Oui, je vais faire mieux. Je n'abandonne pas et je vais faire mieux. Et aujourd'hui, effectivement, pour que nous, équipe du conseil d'administration, pour qu'on soit soudés, pour qu'on soit forts. Des idées, hein, des nouvelles tout idées. Tout à fait, mais des nouvelles idées. On attend les idées, mais on attend aussi qu'effectivement, on nous aide dans l'autre sens. Effectivement, retrouver des sponsors. Pourquoi un sponsor? Parce que nous, aujourd'hui, Radio Arc-en-Ciel, c'est une association. N'oublions pas, nous sommes une association. Une association, elle a besoin d'aide. Et le sponsoring aujourd'hui, souvent on nous dit, on comprend pas pourquoi Radio Arc-en-Ciel n'a pas tel et tel sponsor. Eh ben, aidez-nous à trouver ces sponsors. Des grands sponsors, comme sur Paris. Sur Paris, ils ont tout, Orléans, on n'a rien. Eh ben, faites en sorte que nous, Orléans, on puisse avoir, parce que ne serait-ce que la Saint-Jean, ne serait-ce peut-être que d'autres... Peut-être parce qu'on les démarche peut-être pas assez. Enfin... Voilà, mais il faudrait donner cette chance, effectivement, pour que nous, on puisse avancer dans cette démarche, nous donner des contacts. Bah tiens, je connais, je pourrais t'aider. Ça, ça nous aide. Ça nous aide énormément. Et puis nous, conseil d'administration, pour qu'on puisse avancer dans nos projets. Parce que des projets, je vous explique pas, on a des pages et des pages de projets. Et on est tous des bénévoles. Hein. C'est... On est tous des bénévoles, tout et à fait. Ça, c'est... Et ça, c'est important. On donne de notre temps, de notre énergie. Et puis j'avoue que ouais, voilà, cette équipe du conseil d'administration, pour certains, ça fait plus de 30 ans qu'ils y sont, ils lâchent pas. Alors souvent, on nous dit... C'est toujours les mêmes. Oui, bah, mais moi, je vous ai déjà, enfin, j'ai déjà proposé plusieurs fois. C'est à quelqu'un. Je suis prêt à laisser ma place. Ah, moi, c'est pareil. Je laisse ma place à une condition. Que ça puisse suivre. Voilà, qu'ils viennent pas pour casser ce que les autres ils ont construit il y a 40 ans en arrière. Que ça soit dans une continuité de quelque chose de convenable pour notre radio. Et moi, j'ai beaucoup l'habitude de le dire en portugais. Qui viennent, qui vient pour vaincre, fique tombent. Alors, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, on est toujours ouvert à recevoir des candidatures. Et puis, on n'a même pas besoin d'être au conseil d'administration pour pouvoir nous aider. Hein. Ah, tout à fait. On peut participer à certaines réunions et donner certaines idées. Il suffit de... Tout à fait. On peut organiser ça, il n'y a pas de souci. Emmanuel voulait nous parler de nos animateurs. Voilà, certains des animateurs qui ont justement... qui sont venus dans l'année 2025. Il y en a deux, tout au moins deux que je me rappelle. C'est Didier. Didier, c'est le dernier arrivé, hein, qui fait une émission le jeudi après-midi. Et alors, le titre de son émission, je l'ai Didier pas... Nko. Didier Nko, voilà. Donc, on n'est pas encore à jour. Il faudra le mettre à jour, le petit planning. Et nous avons aussi le lundi après-midi. Et alors là, c'est un nom un petit peu difficile. C'est Réfalio. Comment tu dis? Réfeliou. C'est un peu anglais. Réfeliou, voilà. C'est du post-pop, c'est ça, l'émission? Tout à fait, c'est une très belle émission, effectivement, tout à fait. Ça m'arrive beaucoup de l'écouter. D'anglais. Elle parle beaucoup en anglais. Oui, mais c'est une voix qu'on n'avait pas dans Radio Arc-en-Ciel. Et c'est ça, la richesse de Radio Arc-en-Ciel, c'est qu'il y a un petit peu de tout, et pour tout le monde. En tout cas, on leur souhaite bienvenue, hein, tout à fait. Et voilà, qu'ils ont intégré tous les animateurs. Et s'il y en a d'autres qui veulent. Il y a encore quelques petits créneaux de disponibles. On peut trouver de la place. Donc voilà, n'hésitez pas. Retrouvez justement nos Espagnols. Je le dis tout le temps. Oui, la langue espagnole. La langue espagnole qui s'est un petit peu écartée parce qu'ils n'avaient pas assez de bénévoles dans leurs associations. Un petit message, parce que je suis certain qu'il y a certains qui nous écoutent. Il y a une communauté espagnole importante ici sur Orléans. N'abandonnons pas ça. Et ça, c'est important que toutes ces voix. Ouais, mais c'est la communauté espagnole. Il y en a beaucoup, mais des. C'est déjà de la 5e ou 6e génération. Tout à fait. Et c'est ça fait. Le problème. Bah oui, mais nous, c'est un petit peu pareil. Hein. Ouais. Les Portugais, ici, il y a les gens derrière nous, c'est la 4e, 5e génération. Hein. Et donc, bah, c'est de plus en plus difficile. Bien sûr, c'est difficile. Parce que... Mais c'est dommage parce qu'on avait dans le planning là il y avait deux émissions je crois en espagnol au début. Tout à fait, ouais. Et là on se retrouve voilà. Il y en a plus parce qu'effectivement alors il y en a plus pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'effectivement dans leur association ils sont peu de bénévoles et le peu de bénévoles qu'il y a il faut qu'ils se consacrent au centre de leur association de ce qui est vraiment leur association et malheureusement ils ont plus le temps de venir. Louis voilà il fait toujours son globe trotteur, il a plus vraiment le temps de venir. Ah, et puis là je tourne. Voilà et là je tourne effectivement et ce serait bien. Et on aimerait beaucoup que retrouver cette c'est comme les associations portugaises. On peut avoir un créneau pour eux. Il y en mais a qui sont fait. Déjà venus faire des émissions. Il y en a, oui. Voilà. C'est ce que je dis. Et ils ont arrêté. Mais les portes sont toujours aussi bien pour le folklore, le foot, le. Je sais pas. Des voilà. De toute façon, on a des créneaux qui sont libres et on peut toujours s'arranger et des fois déplacer certains créneaux. En tout cas, le message est lancé à nos amis espagnols déjà. Mais je dis nos amis espagnols, mais peut-être d'autres. Hein. Il y a pas que. Hein. Ah bah tout à fait. Voilà, à fait. C'est pour ça vous. Peut être brésilien, ça peut être. Voilà. Donc. Au portugais de Cap Verde. Non. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. En tout cas, oui. Voilà. Merci Manu de nous avoir prêté ce moment de communication et ce qui est très important. C'est un homme de partage. Moi, je partage. Oui, partage. Attention, hein, pas tout. Hein, je partage. Ah non, mais l'antenne. Oui, on va ça pour l'antenne. Oui, ça, je suis ouvert à tous. Je suis ouvert à tout le monde. En tout cas, ça. Non, mais on se devait passer un petit message comme ça en début d'année. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et tu vois, Christine, ça lui manquait. C'est sa première parole, prise de parole à l'antenne pour cette année. C'est vrai. Je me suis fait gronder parce que je ne suis pas venu le week-end dernier, mais effectivement, je. Ouais, et nous, on est venu. Hein. Moi, j'ai déjà 5 heures. Il a déjà 5 heures au compteur, lui. Je vais te doubler, tu vas voir. Ouais. En tout cas, merci d'être intervenu, de passer ce petit message. On se donnera, Christine, on donne rendez-vous. C'est demain, pas ton émission? Demain matin. Et demain matin, justement, on va parler galette et on aura en interview au Porto Sol. Eh ben voilà. Tu veux que je vienne donner la recette de la galette? Ah, pourquoi pas un ancien pâtissier. Ah, c'est toujours moins bon à prendre. T'es bienvenu. C'est Lionel qui préfère des émissions de recettes. Alors, sincèrement, et moi, le gros souci de ma galette, c'est que ma pâte feuilletée, elle gonfle que d'un côté, mais pas des deux. Pourquoi, monsieur le pâtissier? Ça, c'est parce que t'appuies plus d'un côté que de l'autre. Ah, la force, elle est la même. Non, c'est pas possible. et moi, un petit, justement, puisqu'on est dans, pourquoi que moi, ma pâte de tarte à la pomme, elle est pas croustillante? C'est tout mou. Ça, c'est parce qu'elle est pas assez. C'est pas moi qui l'a fait. Hein. Elle est pas assez cuite en dessous. Non, l'autre fois, j'ai dit, laisse cuire plus, ça cuit les pommes, mais pas la pâte. Parce que ton four n'était pas en chauffage tournant. Mais si, il tourne dans tous les sens et si, ça tourne. Le four est tourné bien. C'est un problème de four, ça. C'est un problème de four. Non, c'est pas un problème de four, ça. Il faut changer le four. Il faut offrir un four à madame. Ou alors la pâtissière. Bon, allez, on va arrêter là. Donc, parce que je vois, il y a Albino qui est déjà... Il pousse derrière. Non, il pousse pas. Il est gentil, il écoute. Donc, on va passer un peu de musique. Et puis, en tout cas... Et puis, toi, Lionel, ils se retrouveront le dimanche. Tout à fait, le mardi. Et le mardi. Donc, matin. Allez, on continue avec une chanson. Denis, vas-y, annonce-le. Tiens, tu l'as devant toi. Voilà, tu vois pas clair? J'ai des petits yeux, J'ai des petits yeux. Allez, c'est Denis Rodriguez. Et le titre, c'est... Meu caro antigo. Meu caro antigo de Renis. Voilà. Bonne année à tous. Bonne année et merci d'être venu. Ciao. Eu tenho carro que é antigo, sim senhor. Há muitos anos que é minha companhia. Vivemos juntos mais de 1000 recordações. Os desgostos e paixões faz parte da nossa vida. Sempre que passo, ai, toda a gente me diz: tens que comprar um carro mais atualizado. Mas as mulheres acham que é original. Todas querem passear, eu fico todo babado. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Todos me dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Todos me dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Anos que ela é o meu confidente. Juntos sorrimos e tivemos desamores. E por isso não me importo de ficar com ele para sempre. Sempre passo, ai, toda a gente me diz: tens que comprar um carro mais atualizado. Mas as mulheres acham que é original. Todas querem passear, eu fico todo babado. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Todos me dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Todos me dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Todos dizem

fazia cair. Eu sei que nunca é tarde para te dar o que te devo, porque às vezes ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar, mas como é que eu te explico aquilo que não vejo? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás, mas eu estou no mesmo sítio. Como é que não vejo? Vou chegar ao fim do mundo. Não trago ouro nem estrelas. Trago preces do futuro. Trago o teu nome das veias. Nunca é tarde onde te espero. Nem inverno quando chegas. Podes vir a vida inteira. Mas não te vou deixar cair. Ainda penso como é que nos deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar já tão perto de te conseguir tocar, mas como é que eu te explico aquilo que não vejo? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou. C'est du soleil toute la journée. Já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Quarta, quinta-feira. 18h58 sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission se termine. Donc je vais laisser la place à Albino pour son émission Mavrika. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure de 17h à 19h. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine à tous. À vendredi. Sem sentido, lutar por ela faz-me ter o brilho de querer viver mais que sobreviver. Poder ter tudo nunca foi o caminho. Viver além da estrada, mas sozinho. É a rampa certa para que o destino seja sobreviver mais que viver. Além da estrada ainda é casa, não moro lá só. Há quem dê asas à palavra de achar que só dá certo e no final. Vivo sem viver. Sei que a minha vida é dar sentido às horas que passam e o brilho que ela tem realça meu querer viver mais que sobreviver. Eu tenho tudo para seguir caminho, sigo pela estrada mas sozinho. Só vai dar para sobreviver e não para viver. Além da estrada ainda é casa, não moro lá só. Há quem dê asas à palavra de achar que só dá certo e não.